بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذكر أمس المؤلف مسألة مهمة جدا في الأصول ما هي عدم التفريق بين ماذا وماذا الأصول في العقيدة والأصول في العملية نعم الأصول العلمية والأصول العملية أو الأصول الاعتقادية والأصول العملية بعض الناس يظن أنه لا بخالف في العقيدة مثلا لا يدي أصول عملية إيه يعني يابك العقيدة بعض الناس مثلا يخالف في أصل الاجتماع إذا بلو التفرق العقيدة ستقل إيه عملي دي مضغالة أما قول من قال Là, l'Adani, il n'a pas appelé à ça. Il n'a pas fait des audios pour appeler à ça. Il n'a pas écrit. Là, c'est Kalam Batl. Son amal, il montre ça. Il n'a pas fait de tawbah et yakfi. Et on a cité Kalam Ahl al-Ilm. Qala Cheikh Saïd, Rahmatullah alayhi. Al-wajib, sulukuhu tijah, man tathbut mukhalafatahu, ou mukhalafatuhu li aslin salafi, أو أصول بعد النصح والبيان له كالعدني وحزبه المنحرف إن كان مما يتوقف على ذلك ثم أصر ولج في مخالفته نعم ما هو الواجب ما هو الواجب سكي خالف دي أصل أو دي أصول ونصحوا وبين لهم يودي ردود يودي ذكري يودي نصائح دي جلسات ما هو الواجب الآن قال الواجب كما قال الإمام السمعاني في القواطع كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليه ظاهرة حتى سنشوف سظاهر نبافر تفرق ونبيس أصل ظاهر عبد الرحمن عدني سيسوير يصفت يكون استخبين سو أصل يصفت خبيا كل تفرق سمدموه ومع هذا يزو أبلي هذا يزو أبلي يناسيت لك زيكزام هاجر فلان كان معنا كيسك عفكنو التسجيل هذا قال فالأدلة عليه ظاهرة والمخالف فيها مكابر نعم شيك خالف في هذا مكابر لأن هذا شيء واضح خاصة avec le temps des mois des années ماذا يريد il sait très bien que c'est une مخالفة قال والقول بتضليله واجب القول بتضليله لواجب نصيحة له لعله يغبيان ونصيحة للناس حتى يلشف على شره الآن لو هذا الحكم لو غيتي أبليكي أو ديبار على العدن نصح خاصة المشايخ يزو أدمي ونغيبت لفتنا السور دو سوتيبي سير مخطي شيخ صومالي قال سا مدبر فلان يدي كذا كذا مع أن المخالفة سي دادي أصول كما on a démontré القول بالتضليل لواجب on aurait préservé كثير من الناس بإذن الله عز وجل لكن بعض الناس يزو تخاذوا العجيب ايز اتون بعض الناس ايز افونس avec des قواعد مخالفة لا نترك الرجل حتى يتركنا on ne laisse pas la personne tant qu'il nous a pas délaissé ولو il est على الشر et هذا c'est ça qui amplifie la fitna كثير من الناس ils ont pas de علم ils ont pas compris ظنوا أن الرجل اللي على خير خاصة فلان من الناس اللي زكي شيخ فلان اللي زكي وانحرفوا معه والحق الحق من قبل ومن بعد قال والبراءة منه شرعا أو شرع والبراءة منه شرع ça ça montre l'importance du منهج السلفي الأصيل الصافي الصحيح cette phrase من الإمام السمعاني elle te montre المعاملة مع أهل الباطل. كل من كان من كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها فالأدلة عليها ظاهرة. celui qui خالف ces أصول qui sont claires. المخالف فيها مكابر. أولا تستفيد كل مخالف لمكابر. prends l'exemple مثلا de جماعة التبليغ, de l'Ikhwan, de الصوفية, de الروافض. ils خالفent des أصول كثيرة. كثير منهم ils ont du كبر. إلا بعض الجهال يساف با tu lui montres il revient مباشرة. أما eux ceux qui savent c'est إلا من باب الكبر. Il sait le haq, il ne veut pas revenir. Ou voilà où tu lui montres, il te délaissera. Liana, il ne veut pas le haq. Fafiyad al-hal, al-qawl bi tadlilihi, wajib. C'est wajib alayk. Face à un rad à la man yaqul, je rentre pas fi hada, ça ne me regarde pas. Moi, je. Al-qawl bi tadlilihi, li wajib. Nusha lillah, wa li rasoulihi, wa li a'immat al-muslimin, wa ammatihim, wa nusrata lil haq. Hada, c'est wajib hada. T'as pas le choix via hada ayyuhal mu'min. Qala wal bara'atu minhu shar. Ce désaveu de lui, ça fait partie de sharia. C'est min shar'illahi azza wa jal. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasoola. Ça c'est wajib. La tajidu qawman. Un qawm qui aime Allah et son prophète, yuhibbuna ha'ula al mubtilin min al kafar. Wa hakada ahl al bid'a. Yadir al tabarru minhum. البراءة منهم شرع. قال وقد ذكر الصابوني في عقيدة السلف أن السلف نهوا عما يضاد أصول الدين ووالوا في أتباع ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. نعم السلف نهوا عما يضاد أصول الدين ولهذا قال الطحاوي في آخر عقيدته العقيدة الطحاوية المشهورة قال ونحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه أي من أصول الدين. قال وقد نقلت عنه وبعد ذلك في محله. نعم الشيخ سعيد لا déjà rapporté كلام الطحاوي au début de la رسالة. قلت أي شيخ سعيد فأما إن كان مخالفة وأما إن كان مخالفة الأصل. نعم قال قلت فأما إن كان مخالفة الأصل ظاهرا أو ظاهر لا يخفى أو من الضروريات فلا يتوقف تضليله والبراءة منه على إقامة الحجة. سيسي كالكشوز دي واضح كالكشوز دي واضح. مثلا واحد يقول الله إلى ننفع أو إلى سلط الله دي شوز كلير هكذا. ما نقول لا يفو إقامة الحجة بعض الناس دائما يسو حول هذا لا دي شوز كلير واضح طول موند كونه. أو مثلا تحريم الخمر في بلاد مسلم مسلم مثلا يبواد الكل ده بلاد مسلم سي معروف عند العجائز عند الأطفال عند العوام عند الكبير والصغير سي معروف. واحد يجي لا يفو إقامة الحجة عليه سامدبر سامدبر سامجرم ينصح لعله يدلس أما الحكم اللي كنت خبير. قال فلا يتوقف تضليله والبراءة منه على إقامة الحجة لأن المقصود بإقامة الحجة رفع ما قد يكون مانعا من تضليله كالجهل أو الفهم الخاطئ أو الالتباس. نعم إقامة الحجة سبوق enlever ces choses ربما ينشوز كي نمبش دو كمبخوند كالجهل إلي نيغو أو إلى مال كمبخي أو التبس عليه إلي نشبها. مثلا الخمر جميع المسلمين يصاف كيس حرام خاصة ceux qui vivent في بلاد المسلمين. أما في بلاد الكفر ربما واحد يسكن فيختي ما يدري ينكوخ حتى هذا en général ils savent que l'islam a interdit l'alcool. لكن في بلاد المسلمين c'est واضح إلا مجنون ربما هو il est pas il n'a pas de تكليف. أما عاقل يعلم هذا. فالإقامة الحجة هنا رفع الجهل يكون فهم الخاطئ يسيت خبيا الالتباس لا بد التباس سل هوى فقط شهوة. هذا الأمر الواضح. قال والحوي وليس ذلك مما يتصور في الضروريات أو الظاهرة المقطوع بها وإنما يتصور ذلك في الخفي الملتبس ولذا يحتاج إلى إقامة الحجة فيه. انظر فتوى العلامة بمحمد ربيع بن هادي في اشتراط إقامة الحجة على من وقع في بدعة وآخر كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي في تقريد العلامة التفهاني هكذا ينظر ضبطه التفهاني. هذا المهم هذا سيموت. أما notre cas عبد الرحمن العدني فقد نصح فقد بوين له. Il y a eu des جلسات avec le مشايخ avec شيخ يحيى. Il y a eu des ردود. Il y a eu des بيان. Prends l'exemple de l'Iban. Il y a eu des ردود. Il y a eu des بيان. Il y a eu des اعترافات. وإلى الآن بعض الناس ils ont pas fait توبة. هذا سيموت خلنا أن القوم هذا الحزب المنحرف ils ont du كبر. Et ils rejettent le حق. فلهذا الحكم بالحزبية إلي في مكانه تماما. قال دوران المحامي عن الباطل وأهله بين فاقرتين عظيمتين. فصل فائدة أن السلبي المحامي c'est celui qui défend. C'est pour ça في اللغة العربية avocat il l'appelle محامي. المحامي c'est celui qui défend. فدوران المحاوي عن الباطل celui qui défend le batil, celui qui défend le faux et défend les adeptes du faux, ahl al-batil, bayna faqiratayn azimatayn. Il se retrouvera entre deux musibah, entre deux mots, la budd. Qala fada' anka al-la'ima wal-mu'arada wal-nifah ya hadha 'an al-'adni wa hizbihi al-makir. Nasiha. Nasiha, ceux qui défendent hadha al-munharif. قال كان والتبرم من بيان والتبرم ينظر الكلمة هذه والتبرم من بيان فتنتهم وحزبيتهم التبرم لا كان والتبرم ينظر الكلمة هذه قال والتبرم من بيان فتنتهم وحزبيتهم والتماس المعاذير لهم وقد رأيت ما أثبتناه من المخالفة للأصول. الشيخ سعيد رحمة الله عليه إلى بيكخان رد طيب على الإبانة تنزيه السلفية صارت قوي جدا جدا قبل الكتابة إلى منظي النصيحة الشيخ الإمام الشيخ الإمام إلى أدي اكتب لي سكتا اكرموا سكتا comme intiqadat et nandur. Cheikh Saïd il a écrit sur al-tayyib tanzih al-salafiyya et il l'a envoyé à Cheikh l'imam voilà. Et il n'a pas répondu. Ça montre anna celui qui appelle à une chose et une personne il lui montre anna c'est khata, imma il accepte imma montre. Maintenant Cheikh l'imam il aurait dû répondre à Cheikh Saïd tanzih al-salafiyya et il lui dit t'as répliqué à mon kalam telle chose, tu t'es trompé. Ça montre quoi hada? Imma ajz, il peut pas répondre. Imma inad. Imma shay, la budi a quelque chose. Amma imma le kalam, le rad il était haq ou il était batil. Ben, Cheikh Rabi' waffaqahu Allah, quand il a démontré que l'ibana il était pas ala minha sunna, c'est exactement ce que Cheikh Saïd il a démontré en détail. En détail dans un livre, chaque règle wa yarad. Falimada, il y a pas de qaboul. هذا سؤال الغريب في هذه المسألة لماذا بعض الناس كأنه ما في شيء لو كسر مسائل في العقيدة والمنهج سد مسائل أصولية الآن سبعة ردود ضد مسائل فقهية ربما la personne الاجتهاد il est سائر ربما il a sa compréhension لا c'est pas في هذا c'est des choses منهجية et c'est des choses بعض الناس ils ont appelé aux mêmes choses مثلا الإبانة العلي الحلبي لابليو من شوز في كتابه منهج السلف الصالح العلماء ردوها عليه حكموا عليه بالانحراف لماذا سو تفريق c'est ça qui amplifie la fitna اما نحن والله الحمد on a le même la même position que ce soit envers Abil Hassan ou علي الحلبي ou عبد الرحمن عدني ou ce livre الإبانة on a la même position كله انحراف وضلال اما بعض الناس ils se contredisent علي الحلبي c'est un égaré parce qu'il a appelé à ses règles. Cheikh l'imam il appelle aux mêmes règles et tu ne dois pas parler. Limada. C'est ça qui fait du mal à Da'wah, c'est ça qui fait du mal à Ba'd al-Nas. Hatta min atba' Abil Hassan ou Ali al-Halabi, ils ont propagé dans leur site des calams de Cheikh l'imam, l'Ibana. Et ils ont dit, vous avez reproché à notre Cheikh Abul Hassan telle chose, vous avez reproché à notre Cheikh Ali al-Halabi telle chose, limada, vous ne reprochez pas à Cheikh l'imam. Amma nahnou là, ils ne peuvent pas nous faire ce reproche, wallah alhamd. الشيخ يحيى ريبليكا ابو الحسن علي الحلبي الشيخ محمد الامام العدني اتوس لانهم ايزو خالف منهج السلف دون سي شوز. قال قال وقد رأيت ما أثبتناه من المخالفة للأصول وتماديه في ذلك بعد بذل النصح والبيان الكافلة. سأصمت كذلك أن المنحرف إذا نصح الحق il lui a apparu clairement. لا ينبغي أن autre يأتي et prétend lui faire نصيحة. وعليكم السلام. هذا c'est مهم. مثلا عبد الرحمن العدني نصح شيخ يحيى الطلابي, ils ont montré son inhiraf avec plusieurs rasail, avec des audios, il n'a pas accepté. لا يجوز un autre vient et il dit là il faut le conseiller. Il y en a un troisième, il va venir, il va dire il faut le conseiller, et ça ne va jamais s'arrêter. Là, la question c'est l'imam, il a refusé le premier conseil. Il y en a, si on ouvre ce bain, une personne, il va venir, il va dire moi je vais conseiller Abul Hassan. Dites pas que c'est un hizbi. Là, il a été conseillé, il n'a pas accepté. Anta yadahat, tu dois me sourire le haq. Entabihou, hatta à notre niveau, hada. Wahed, il fait du mal à un frère. Maintenant, Wahed, il le conseille, il n'accepte pas. Le frère, un deuxième il vient, il dit là il faut le conseiller. Taqillah, tu dois le conseiller, il ne fait pas de mal à ce frère. Et l'imada, il a refusé le premier conseil. Man ant hatta, il accepte ton conseil. Il va vous diviser. Il va accepter ton conseil à toi, il va rejeter l'autre. Et ça va faire de la furqa. Ntabihu li hada. Hada yahsul. Allah yahsul. La personne est ntabih, celui qui refuse une nasiha, le hukm il est par rapport à son refus, à son inhiraf. On fait pas ce bab. Il y en a pas de nas, al-ikhwan, al-muslimin, al-dullal. واصحاب التميع عموما اذا فلا هذا لا il faut conseiller conseiller jusqu'à quand conseil un وقت si la personne refuse خاصة il rejette des adilla des usul ça مبطل اي يجوز لك واحد يجي لا لا il faut conseiller c'est ce qu'il a fait الحلبي مع بعض الضلال والعلماء انتقدوا عليه العلماء مثلا ردوا على محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وعائد القرني وصفر وسلمان tous أصحاب التكفير الآن qui appellent à la révolte contre les gouverneurs هؤلاء العلماء ردوا عليهم علي الحلبي il est venu des années après il a dit là il faut les conseiller كيف tu vas les conseiller tu vas les conseiller ils vont prendre avec eux et c'est ce qui s'est passé علي الحلبي il a pas écouté le conseil d'Ahl al-Ilm il est parti soi-disant en Égypte pour conseiller هؤلاء il a fini avec eux الآن الطعن في أهل العلم أهل الحق et هؤلاء il dit c'est vrai al-Maghraoui c'est vrai il a des erreurs mais il faut patienter. Patienter jusqu'à quand il a rendu le haq. Les ulama lui ont montré. Le rajoul il a la capacité de comprendre. Enfin, il a rejeté le haq. Tu dois avoir une position par rapport à une personne qui a rejeté le haq. Et n'attends pas ce kalam le fariq. بعض الناس ça fait 10 ans et ils sont nasaih. C'est un mubtadi, c'est un munharif. واضح. Tu dois avoir une position معه. درس منهج السلف. Et tu verras que il conseille la personne, s'il n'accepte pas, il y avait un hukm. Il y avait un hukm, il fait tawba ou c'est un munharif واضح. Mais nous, des années, بعضهم, des années, حتى ils ont appelé à Thawra, à se rebeller contre les gouverneurs, inhiraf واضح, et بعض الناس, il a l'an, là, il faut patienter. Là, il faut nsar l'haq, et patiente. Rad alay, il montre que c'est un mujrim, et patiente. Il y en a, il va répondre. هذا أما تي avec lui, là, la yajouz. La yajouz, الولاء البراسة أصل عظيم في دين الله. الآن, on revient à مسألة شيخ سعيد. ماذا قال؟ قال أين نحن؟ نعم قال وقد رأيت ما أثبتنا من المخالفة للأصول وتماديه في ذلك il a été conseillé et il a harb ahl al-haq et il ne veut pas revenir. Normalement la personne il doit se mettre du côté du haq. أما واحد il vient il place ahl al-haq et al-batil au même niveau, il dit là il faut les conseiller. Il a été conseillé, il a rejeté. Même un tel il va avoir un bon comportement, il va te faire apparaître des choses, il l'a pour te diviser avec l'autre. Hatta, il va dire, chauffe, un tel, tu m'as conseillé, j'ai accepté. L'autre, j'ai pas accepté. Kalam batil. Kalam batil. Il y en a tawba, il doit slah ma afsat et il doit bayil. Et il doit revenir. Amma, il rejette la nasiha de sahib haq, tumma, il accepte la tienne, min ayn hada. En fait, l'Adani n'a accepté aucune nasiha. Hatta le Mashaykh, quand ils lui ont dit arrête le tasjil, il n'a pas accepté. Faire tawba du tafarruq, il n'a jamais accepté. Allah le Musta'ab. قال وبعد بدل النصح والبيان الكافي له ناهيك عما أثبته الأخ كمال العدني في رسالته حقائق وبيان عن العدني من الزلات العقدية. نعم الشيخ كمال رحمه الله تعالى cette rissale haqa'iq wa bayan ay an Abd al-Rahman al-Adani il a montré des choses hatta des akhtaf al-aqid des akhtaf al-asma wa sifat il a démontré. قال ولم نسمع ولم نرى له بيانا لذلك ولا كأنه ما حصل شيء. العجيب سك حتى الإنكار ما أنكر لبدي لا سفو الساكت سأبروف كسي بغا لأنه سأسرفو لغا دمونتخا بك دي أدلة يبقى هذا ولا توبة ولا شيء دي زغاق العقيدة. قال ولم نسمع ولم نرى له بيانا لذلك. إن شاء الله دوما نأتي بهذه الرسالة حتى نبوي هذا الكلام ماذا قال دوك الكتب إن شاء الله نقرأ بعض الكلام غدا إن شاء الله. قال ولم نسمع ولم نرى له بيانا لذلك يعرف به براءته منها. نعم لأن المسلم المؤمن من باب أولى السنية يتبرى من الباطل. شي واحد يتكلم باطل تتبرى منه لأن لا بيرسون إلا أكسبت با الباطل. واحد يتكلم شوز تموت خلناه سي باطل. أما السكوت كأنك تكسب. قال فالسكوت علامة الرضا مع القدرة على الإنكار والاحتياج إليه. ستأكد هذا باطل. القدرة تغيبوند. إيه أن بزوان تغيبوند لأن ربما بعض الناس يبانس كي سي فغي تي أوبليجي دو مونتخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلي سختي مع صفية صفام عليه الصلاة والسلام دو صحابي سون باسي. النبي صلى الله عليه وسلم إلا دي إنها صفية حتى لا أحد il pense un shaitan y rentre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est avec autre que sa femme. Sahaba ils ont dit subhanallah ya rasulallah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit inna shaitan yajri. Je ferme la porte. Ma balouk hada il a accusé des erreurs l'aqida et il répond pas. C'est que tu es d'accord. Limada li anna yun règle as-sukut alamatu rida ma'al qudra ala l'inkar. Tu as accusé d'une chose, tu peux répondre et tu te tais, c'est que tu es d'accord. Wa illa يا أخي الدفاع عن العرض سمطلوب في دين الإسلام سمطلوب. هذا الدين تدوى ستا حق للموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة. الآن عبد الرحمن العدني سيلا الحق لماذا يفعل باي ديمون خبا تسكي لي تعتدي سي سفو لماذا يديمون خبا لأنه لا بالقدرة إلي عاجز أي لا بالقدرة دو ديمون تخيك لحجد أصحاب الحق لردو سباطل إيبا ديمون تخي هذا أبدا لأنه سحق. قال فإن المنافحة والمدافعة عن من ثبت اقتحامه الباطل وتماديه فيه والإعراض عن الحجة والنصح والبيان دائر بين فاقرتين. Celui qui défend المبطلين il sera dans deux situations, les deux situations elles sont graves. Celui qui défend المبطل قال وهما اعتقاد ما تضمنه كلامه أو فعله الموجب للحكم عليه بنفس حكمه في الدنيا والآخرة. نعم اعتقاد ما تضمنه كلامه أو فعله الموجب للحكم كأنه إذا دكور مع ما فعل هذا المبطل إنساس غال لأن بعض الناس مثلا يدفع مبطل لأنه إذا دكور سيدي شو با دكور لماذا تلو دفع تبا لو دفع. On revient un exemple on vous cite souvent واحد il insulte ton père tu vas pas le défendre. Il y en a, t'es contre. Si tu le défends, c'est que t'es d'accord avec lui qu'il insulte ton père. Là, tu trouves, ou un qui insulte un proche, tu ne trouveras jamais une personne qui le défend. Il y en a, il n'est pas d'accord avec lui. Aslan. Un, celui qui défend un mobtil, l'as, c'est qu'il est d'accord avec lui. قال أو الذبع الموجب لمودة من حد الله ورسوله. كذلك, ça va impliquer qu'il aime من حد الله ورسوله. أما المسلم, il doit يتبرى من هؤلاء. يتبرى ceux qui خالف دين الحق ceux qui combat دين الحق الواجب c'est التبرى منه. Si c'est un مبتدع il le déteste chez الله malgré que c'est un مسلم. Si c'est un كافر il le déteste بالكلية. قال الموجب لمودة من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الموجب لعداوتهما. نعم normalement tu dois le détester. قال الجارة إلى كل شقاء ذكر مضمونه الوقاعي في مصرع التصوف في الكلام على من يحامي عن ابن الفارض الزنديق الصوفي الضال. نعم cette règle est applicable à tous les munharif. Celui qui défend munharif imma il est d'accord avec son inhiraf et c'est grave imma il aime une personne que normalement il doit détester une des deux لأنه ليس منحرف. المنحرف tu dois être en désaccord avec ce qu'il est et tu dois le détester في الله par rapport à son égarement. Si c'est un kafir tu le détestes totalement. Si c'est un musulman منحرف مبتدع tu le détestes par rapport à son inhiraf et tu le détestes lui parce qu'il a fait son inhiraf. لكن c'est pas comme التبرم على الكافر. لا il y a une différence. Hada. قال قال سبحانه ولا تكن للخائنين خصيما. Ça c'est un nas. لا تكن للخائنين خصيما. T'as pas le droit de défendre le khain. خاصةً في دين الله عز وجل. Une personne qui fait du mal au dîn, il appelle au shar, لا يجوز. ولو si c'est un proche. قال وقالوا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كذلك يختانون أنفسهم. لا يجوز. Il se fait du mal à lui-même, il fait du mal aux autres. لا يجوز الدفاع عنه. Ya akhi, aqal, si tu peux pas, défends pas le batil. Si tu défends pas le haq, défends pas le batil. Wa ba'd an-nas idha khudna al-ajib ma'a al-haq, ay défend le batil. Wa hakadha la personne alladhi la yaqif ma'a al-haq, celui qui délaisse le haq, la bud yushghal bil batil. Qala nasf qadiyat la natruk ar-rajul hatta yatrukana. Hadi on la cité souvent cette qa'ida al-madhkura fi kitab al-ibana. Fi al-haqiqa, si tu comprends هذا الكلام, tu vas comprendre pourquoi certains mashayikh ils défendent Abdurrahman. لأنهم ils sont على هذا المبدأ. لا نترك الرجل حتى يتركنا. Et ça c'est un كلام باطل جدا جدا. لا نترك الرجل حتى يتركنا. On ne délaisse pas la personne tant qu'il ne nous délaisse pas. انتبهوا من هذا. والله la personne qui ne fait pas attention, ربما il applique هذا sans s'en rendre compte. Tu l'entends بعض الناس أحيانا. Tu parles d'un مبطل, il te dit là mais moi il m'a rien fait. Il m'a rien fait, donc moi c'est bon. N'a'oudou billah. Si c'est pour din, il t'a rien fait, il a fait din. Et din, il passe avant ton nefs. Allah, tu l'entends. Ahyan al-wahid, il fait du hajr, il fait du. Tu parles à wahid, il te dit ah, moi il m'a rien fait. Ah, khlas, il t'a rien fait, t'as t'es. Aïna al-nusr, aïna al-ta'awun, aïna al-wukuf ma al-haq, aïna al-bughd lillah, c'est où tout ça. Khlas, il t'a rien fait. Wa adna, c'est sa petite nefs, faqat. Tu le caresses sans du poil, c'est ton ami. Il voit que t'es un peu, il te délaisse. Si t'es à la char, t'es à la batel, et tu le caresses au sens du poil, t'es taillé pour lui. Voilà où t'es à la batel. Si t'es à la haq, et ربما une kalima ou la yartahlak, il croit que t'es pas bien. C'est pas ça le deen. Le deen s'est fondé sur le wala ou le bara. Il est à la haq, tu l'aimes fillah. Il aime. Voilà où il est pas proche de toi, il est pas, tu l'aimes fillah. Il est à la batel, tu le détestes. Voilà où il te fait des sourires, voilà où il te donne, voilà où il a un bon comportement, tu le détestes. Là, c'est l'aqida. Aqida. Enfin, le daf, celui qui n'arrive pas à meyez bayna hada, il a un daf fil aqida. Il a un daf fil wala et wal bara. Antabihu li hada. Antabihu la tadon anna al mubtadi'. Sahib al-shar, il va venir, il va te crier dessus la tadon. Wallah, il va venir avec un sourire. Il va venir bimal. Si t'es pas thabit fi hada, tafshil. Comme les gens se harafu. À cause de ça. À cause de ça, il n'a pas vu le mal, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est gentil. Non, il faut patienter. Il y a le harif, il va avec lui. Thumma, il n'y a plus de patience avec Ashab al-Haq. Il y a donc. Antabihu li hada. Antabihu. Khasatan, on est sorti de Dammaj l'an. Antabihu, antabihu. Juge la personne, comporte-toi avec la personne par rapport à sa aqida. Sa ikhwani, sa tablighi, sa soufi, sa huti, sa rafidi, sa. Déteste le fillah azza wa jal. Voilà où il te fait des sourires, voilà où ça a mubtil. Ça a mubtil. Il a désobéi à Allah et à son messager. Ma balouk anta. Anta, ce sourire, c'est pour une maslaha. Faqat. Il a besoin de quelque chose. Ah oui, il veut te prendre avec lui. Fantabih. Antabih. La naturkur rajul hatta yaturkana. Ça c'est batil. Ça c'est batil. Qala. Wa bihada na'lam anna qawla ba'd al mashayikh al afadil. La naturkur rajul hatta yaturkana. C'est matkur fil ibana. Mukhalif li manhaj al salaf. Alladhi madha alayh. Ou alladhi madha ahluhu alayh. Ala tark man ibtada. والبراءة ممن خالف أصلا من أصول الدين. Et celui qui étudie منهج السلف, tu trouves ça clairement. محمد بن سيرين رحمة الله عليه, رجل يأتيه pour réciter le Coran, il le délaisse. Pourtant رجل يأتي, il a pas dit là, il est venu me voir, respect, il veut lire le Coran. أبدا. Il lui a dit إما أن تقوم, ils étaient deux, إما أن تقوم إما أن أقوم, choisissez une des deux. Levez-vous les deux tout de suite ou je pars. Alors qu'il vient réciter le Coran. Les deux, ils viennent réciter le Coran. Mais là, Mohamed bin Sirin, c'est un imam. Ils savent très bien que s'ils veulent réciter le Coran, ils n'ont pas besoin de lui. En tata ammal, deux mubtadi'a, ils veulent te réciter le Coran. Et akhi, intabih li dinik. Alors imagine, tu ouvres la porte. Ils ne peuvent pas réciter le Coran sans toi. Mohamed bin Sirin, c'est un imam, il sait ça. Imma, vous levez les deux, imma, je pars. Wahed fil jalsa, il n'a pas compris, il n'a pas le ilm de Mohamed bin Sirin. Ya imam. Limadha, tu ne les as pas laissés réciter le Coran. C'est du Coran, ça. Il lui a dit, j'ai peur qu'il récite le Coran, il change une lettre, un harif azir. Je m'égare avec eux. Chef, celui qui veut préserver son dieu. Antabé, mon petit, il vient là, je veux rien que te parler là, avec 5 minutes. Troc, fais ferme les portes. Préserve ton din. 5 minutes, tu ne sais pas comment tu vas réagir en 5 minutes. Tu peux t'égarer en une seconde. À la personne, il hafad ala din. قال والبراءة ممن خالف أصلا من أصول الدين والحذر والتحذير منه. C'est ça le موقف صحيح. الحذر, tu fais attention, et تحذر منه, tu mets en garde. Ah, bah, look, tu te mélanges. Il va jamais venir, il va te dire je suis un Hizbi, je suis un Munharif, écoute-moi. Là, il va te dire on est des frères, on est kada, on va rien que parler d'une mas'ala. Entabih les dinik. قال والبعد والإبعاد عن وجعل ذلك من أصول اعتقادهم كما سبق لما يترتب على إبقائه ملصقا بأهل الحق من المفاسد العظيمة وفوات مصالح جسيمة كما يسر الله أن بينت ذلك في لفت نظر الأجلاء إلى المعنى الصحيح لاجتناب الفتن المضلة وهو معد للطبع أي لمطبوع. Et on l'avait résumé dans la kalima qu'on avait fait avec l'ikhwan, موقف المسلم من الفتن. On avait استفد من هذه الرسالة كثيرا. C'est une rissale عظيمة جدا. قرأوها استفادوا منها. أي لفت النظر لأجل الله إلى المعنى الصحيح لاجتناب الفتن المضلة. C'est quoi le موقف صحيح pour s'écarter des fitan? Et il va te montrer que c'est écarté du shar ou ahl al-shar. Le, régler une fitna, la solution c'est pas de se mélanger à l'al-batil. Là, la solution c'est de s'écarter du shar, wa ahl al-shar. Et Cheikh Saïd il lakhass de mas'ala dans cette risala avec un kalam nafi' jiddan jiddan. Et ça montre sa quwwa. Alhamdulillah, à cette époque elle n'était pas encore imprimée quand elle a écrit cette risala. Amma al-an, alhamdulillah, elle est imprimée wa tuba' fil makatib. Qala falam yakun as-salaf yaqulun dhalik wa la yaf'aluna بل قالوا وفعلوا خلاف ذلك وإنما هذه من المستجدات المحدثة المستلذة. فهذا ابن عمر صحيح الآن قوله لا نترك الرجل حتى يتركنا. نحن نقبغ بك منهج السلف لأن الإبانة سيبا كتاب سيبا الوحي كتاب بشر يصيب ويخطئ. نحن الآن استقاعدة بعض أهل العلم إلو رجوتي. نحن الآن نقبغ بك منهج السلف إسكو سو صح أم لا شو رجت بلا برسون تنكي تبا رجوتي. تأمل قصة ابن عمر. قال فهذا ابن عمر رضي الله عنهما لما خرجت القدرية, تقدم قصة في درسنا في التقريب, قال بادر إلى إنكار قولهم والبراءة قال بادر إلى إنكار نعم إلى إنكار قولهم والبراءة منهم. ولما تحلق قوم في مسجد بني حنيفة. Premier exemple ابن عمر. تقدم معنا في درس العقيدة في التقريب. Quand ces deux personnes sont venues voir ابن عمر, ils lui ont dit, يا أبا عبد الرحمن, il y a des personnes عندنا في العراق, qui disent أن الأمر أنف. C'est des أهل الباطل. الأمر أنف, أي الله سبحانه وتعالى, il ne sait pas la chose tant qu'elle n'est pas arrivée. أنكر العلم. ابن عمر, il n'a pas dit, on va les conseiller, attendez, أبدا. Il a dit, أخبرهم أني بريء منهم. Informez-les que je suis bari. Et il a montré que c'était des kuffar bihad al-fi'l. Hada manhaj al-salaf. Qala ila ibn Umar la badi la natruk ar-rajul hatta yatruk la abadan. Qala wa lamma tahallaqa qawmun fi masjid bani Hanifa. Qad yaqul qa'il ma hawlas de kuffar. Sayati al-mithal avec des muslimin. Qala wa lamma tahallaqa qawmun fi masjid bani Hanifa. قوم يسبحون بالحصى بادر ابن مسعود الى ابطال فعلهم. ابن مسعود الى مونتري اما vous avez ouvert une porte d'égarement une porte d'égarement اما vous êtes meilleur que اصحاب رسول الله. Choisissez une des deux. هكذا الى ديها هؤلاء. هؤلاء في العراق نفس الشيء. مسجد بني حنيفه قوم ils se sont ils ont fait des hilaq, ils ont fait des petites assises et ils faisaient du dhikr ensemble avec des cailloux. واحد يقول سبحان الله يتزيتو سبحان الله بدعه. صحابه ils ont jamais fait هذا. ابن مسعود il rentre au masjid et il leur a démontré, Emma, vous avez ouvert une porte, vous avez ouvert une porte d'égarement, vous êtes des égarés, Emma, vous êtes mieux que Sahaba, choisissez une des deux. Rawi rapporte que Haoula, ils ont combattu avec le Khawarij, Ali radiallahu anhu. Ils ont ouvert une porte d'égarement, comme a dit Ibn Mas'ud. Ali les a combattus. Ils n'ont pas dit là, Natruk, ils ne nous ont pas délaissés, on ne les délaisse pas. Abdel. Qala, cette règle, on l'a détaillé, il y a Jama'a, في ماذا ينقمون عن شيخ يحيى كغو بخشت الى شيخ يحيى ولا دتايها parmi les règles qu'on avait détaillées هذه لا نترك الرجل حتى يتركنا فسلوكي بالي دتاي نحن نقرأ نعلق الآن تعليق يسير سلوكي بالي أكثر يغوبيع سيدوس كذلك اللي تنزيه السلفية للشيخ سعيد الى الرد على هذه القاعدة بالتفصيل. قال بادر ابن مسعود رضي الله عنه الى ابطال فعلهم واظهار فساده ولما سعى صبيغ بن عسل نعم أحيانا ونزين نحن صبي صبيغ ابن عسل أو ابن عس الصواب كان أوس ابن عس هنا إلى الحرف إلى بالكسر قال في ضرب القرآن بعضه ببعض ونشر المتشابه أمر عمر الناس بالبعد عنه. إذن بعد عمر لا بعد لا دلس لبا صبير وكذا لا بعض الناس انتبهوا إذن بلوا لما الصبر لبا صبلس الصبر سين عبادة elle doit être en concordance avec le kitab ou le sunna. انتبهوا بعض الناس dès qu'il y a un ضعف il dit il faut patienter. انتبهوا بعض الناس il a pas le قدرة de هاجر المبتدع de s'écarter de lui vu qu'il a une faiblesse. Tu dis là, il faut patienter. La patience, c'est une ibada. Alors, il y a un ibada. Une chose, il te dit, il faut patienter. Là, il faut patienter, mais il faut montrer le haq. Il y en a un ibada, il se sert toujours de la patience, c'est une ibada. Pour te bloquer, une tabi. Maintenant, il faut patienter. Naam, et il faut montrer le haq. Et il faut le wala ou le bara. Et il faut le rad à l'al-mubtalin. Et il faut le nusrat al-muhiqin. Avec tout ça, on patiente. Amma, on délaisse tout ça et patienter. Là, c'est pas de la patience, c'est une faiblesse. Tabi. Omar ibn Khattab. Amir al-Mu'minin, après Abu Bakr, il n'a pas dit il faut patienter là. Même, on patiente, lakin, hukm shar'i. Hadal Sabir ibn Isf, il est venu de Medina et commencé à poser des questions sur le Coran et des choubas. Omar ibn Khattab, il a entendu parler de lui. Omar ibn Khattab, il le cherche dans les rues. Marra, il le trouve. Il le trouve, il dit c'est Anta Sabir, il lui dit Naam. Omar, Mubashara, il l'a frappé, Mubashara. Il l'a frappé, hatta il a saigné. Et il a dit à Omar, ya Omar, si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux m'enlever les choses que j'ai dans la tête, c'est tout sorti. Il a tapé fort, tout est sorti. Après ça, Omar lui a dit un an, expulsé un an min al-Madina. Un an, personne l'approche. Il regarde Haoula comme ils ont préservé le din. Omar, il a de la rahma jiddan. Il aime le mu'minin, il sait que ça veut dire c'est un mu'min. Lakin, il a été obligé de faire ça pour préserver le mu'minin. Et ça, il a présenté le mouminin. Est-ce qu'une choubha allait rentrer vers le Madina? Ah, peut-être. Ça serait une autre époque. Là, Spirou, laissez-le, que ce que tu as à dire, attends. Il prend jamais avec lui, ça fait un hizbi nous combattre. Omar, il a fermé les portes. Un an en Irak, tout seul. Wallahi, Ba'danna, ses témoins, ils voyaient Sabir marcher comme une bête. Il commençait à perdre la raison. Tout seul, tout le monde le hajar. Ahiyanan, Sabir, il vient, il y a une jama'a de frères. À l'époque de Omar, c'est des sahaba, des imams. Sabir, il vient, il s'assoit, tout le monde se lève. Hatta Abu Moussa, il a écrit une lettre à Omar, il lui a dit à Omar, ça fait longtemps, Sabir, mashallah, il a compris, il a envoyé une lettre à Omar, Rajoul, il s'est calmé, alhamdulillah, khalas, il n'y a plus de fitna. Omar, il a répondu, khalas, asseyez-vous avec lui, c'est votre frère. Et Sabir, il s'est mélangé le musulmane, et stafada jiddan. Hatta ba'd al-Khawarij, quand ils ont voulu sortir contre Omar, contre Uthman, ils sont venus voir Sabir, hada. Et ils lui ont dit, c'est le moment de te venger, Sabir. Tout ce qu'ils t'ont fait, ils t'ont hajr. Sabir leur a dit, abadan, ce qui m'a fait Omar, ça m'a été d'une faïda azima. Chouf, hatta lui, il a stafid. L'an al-hajr, quand il est à sa place, c'est un ilaj pour le meftoun, et c'est une wiqaya, une protection pour ceux qui font le hajr. Tout c'est employé à sa place. Adan, tabihu li hadal bab, il est muhim. Pas faire de hajr bila haq, et pas se laisser aller se mélanger avec tout le monde. Ba'danas, là, ils ont ouvert les portes, ils se mélangent avec le tablir, avec l'ikhwan, avec le khawarij, avec. Et ils te disent là, il faut patienter, il faut faire nasiha. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui vont te faire nasiha. Qala. Amara Umar al-Nas bil-Bu'di an. On a détaillé Qalil. Qala wa hajrihi wa iqsa'ihi wa ta'dibi. Wallahi, c'est pour son khayr. Et Sabir, il a intafa, ça montre qu'il a du khayr. Intafa, il a patienté, et ça a été une faïda azima pour lui. La maman avait un look patient, ne lui dites rien. Sabir, le bama, il serait égaré. Il aurait continué, il aurait du monde avec lui, il ne peut plus s'arrêter. Mais alhamdulillah, c'est une rahma pour lui. Sahaba, il n'a rahma en fait. Contrairement à Ba'd al-Nas, il peut penser c'est dur, c'est une rahma. Adad-Din, c'est une rahma. Qala. Qala. Qala, wa lamma a'tazala wasil ibn Atta al-Hassan al-Basri bi usulihi al-munharifa, haddara minh. حسن إلى حضر من واصل ابن عرق سنتزلت قال ولما أراد داود حضر منه وتركه السلف وتبرأ منه ومن ضلالاته ولما أتى الكرابيسي بأوابده تركه أحمد يا أحمد إلى هاجر هذا الكرابيسي مباشرة قال وحضر منه ولما أراد داود الظاهر أن يدخل على أحمد وعرفه أبى ذلك هذا موقف عظيم داود vient de الأندلس Daoud al-Zahiri, il vient de Jihad al-Maghrib. Il vient rendre visite à l'imam Ahmed, l'Irak. Des mois, au Bama de marche. il veut visiter l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, son fils Saleh, il connaissait Daoud. Daoud, il est passé par Saleh pour visiter son père, l'imam Ahmed. Il lui dit, ya Saleh, sta'adhin-li pour ton père, je lui rends visite. Saleh, il vient et il prévient son père. Il dit, ya Abi, Fulan, il va te rendre visite. L'imam Ahmed, il lui dit, man. Saleh, il sait que l'imam Ahmed, il n'acceptera pas. Il lui dit, Daoud. Il lui dit, Daoud, man. Hakada, qalil, qalil, hatta l'imam Ahmed, il a su. Il lui a dit, dis-lui qu'il fait demi-tour. Abadan, il rentre. Est-ce que l'imam Ahmed l'a dit, là, meskine, il est venu de loin. Là, il est venu me voir, ça se fait pas. Abadan, manhaj as-salaf. Il a dit, il rentre pas. Thumma, Saleh, il dit à son père, ya Abi, il a fait tawba, il a fait kada. Léana Daoud, Ahad al-Dahiri, il avait une haraf. Un jahmi fil aqida, il a des masaib. Il dit à son père, ya Abi, lakin il a fait tawba, il m'a dit kada, il regrette. Al-Imam Ahmed, c'est une ayah fi al-manhaj as-salafi. Il lui a dit, Al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli m'a informé annahu samun harif, yakfi. Un thika, il m'a informé que Samoun Harif, lui il me dit ça, je veux prendre Kalam qui. Alors, il a fermé la porte. Abadan Daoud, il est rentré à l'Ali Mahmoud. Abadan, il l'a jamais visité. Amma t'ouvre la porte, tafaddal, il vient de loin, il est venu pour quelque chose. Tu n'es pas responsable de lui, il est venu de loin ou il est venu de près. Tu n'es pas responsable, préserve ton dîme. Wahad qui est venu de loin, s'il veut te prendre ton mal, tu ne le laisseras jamais rentrer, ça. Mais lui, il vient de loin. Tu dis, j'ai voyagé des kilomètres et je veux prendre ton mal. Tu vas le refuser. Al-Imada, pour dire, on se laisse aller, Al-Imada. Al-An, c'est pas ton mal qui va prendre. Bon, il rentre, il te met une choubha. Et ça te fait du mal. Dites. Khasa, t'as mis là où là, ils avaient du ilm. Amma, le juhal, c'est le juhal. On parle un, ahl al-bid'a. Pas mélanger, amma, jahal. Comme on a chez nous, les vieux masakines dans les mosquées, là. Ahl al-tasbir ma'ah, meskin, il est pas haoul al-bid'a ou shay, c'est un meskin. Amma ahl al-bid'a, mit la haoula, c'est des imams, ils ont des kutub, ils ont kadan, tabih lidin. Ou une personne, ou alors c'est un ami, lakin, il appartient à un groupe, et il appelle à ce groupe, et il combat le haq, écarte-toi de lui. Amma al-juhal, comme les vieux masakin, ils sont perdus dans tout ça, sabr, et tu leur montres un bon comportement, il y aura du khayr. Et le vieux ne fera aucun mal, même une choubha, meskin, il ne sait pas ça. Qala, وتركه أحمد وحذر منه ولما أراد داود الضائر أن يدخل على أحمد وعرفه أبا ذلك وقال أرسل إلي الدهلي أنه يقول القرآن محدث هذا شوف نحن أحيانا صاحب الحق يدي يا أخي فلان لا في فلان لا في لا مي موي ما ريان دي جي ريان فيو مي إي دوت من هذا السلفي سي با سا سي صاحب حق تو دو با دوتي الإمام أحمد الآن محمد الذهلي معروف محمد بن يحيى الذهلي من أقران الإمام البخاري حتى في الصحيح يا صنو الإمام بخاري قال محمد حدثنا محمد محمد بن يحيى هذا إلى أن فرمي الإمام أحمد أن هذا المبطل داود يدي القرآن محدث أي لمخلوق أبدا يقعد عند الإمام أحمد أبدا إلا بالتوبة بكذا أما نو جي با فولو أو ماتي ما ينفع عندهم قال أرسل إلي الذهلي أنه يقول القرآن محدث ولم يقبل منه انتفاؤه من ذلك نعم ولو داود يدل لا كذا لا قول الثقة المقدم أما هكذا سمخش با عندهم لا بد توبة صريحة تدمي كتادي اتو في التوبة اتو بيين أما لا جي با فولو دير سي با فغي ما يصلح لأن أن ثقة لانفرمي اي أنت مبطل on va croire qui الآن محمد يحيى الدهلي أو داود الظاهر c'est incomparable قال ولم يقبل من انتفاء من ذلك ثقة بالذهلي هذا نحن الآن بعض الناس ils ont informé العدني il a fait il te dit c'est vrai mais شيخ فلان il a pas dit يا أخي لا يلزم كتب المطبخ الإمام أحمد الآن لا بان أنتون دكتور الإمام يبار محمد بن يحيى لو أمون تخي خلاص صحيح صحيح تشوفوا الآن لا ديفيرونس كي أنتخ نو هؤلاء بوكو يا بوكو تفتن الآن بوكو لا لا في الحقيقة المنهج السلفي الآن سو كي لابليك بجد لابليك كوم يفو يسو قليل جدا سو بساك سافي دي فتن بعض الناس يكونون با المنهج السلفي الحق سافي دي فتن يسو خيطان سلفي يساسوا بك أهل البدعة il a des contacts avec Ahl al-Bid'a il a fait anhum et il se prétend salafi comme c'est une étiquette abadan salafiya c'est hadi salafiya haoula alors nous on fait tout pour faire comme eux même on n'arrivera pas mais on essaye on fait des efforts on ta'awun inchallah il y aura du khayr قال ولم يقبل من انتفاؤه من ذلك ثقة بالذهلي ولم يقول لا نترك الرجل ولا نبين باطله وضلاله حتى يتركنا est-ce que l'imam Ahmed il a dit là il est venu me voir on ne le délaisse pas il ne nous a pas délaissé on lui montre abadan ils appliquaient manhaj al-salaf fallahu al-musta'an nassallahu subhanahu wa ta'ala al-hidayah inshallah demain nastamir fil qira'ah